ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau. Fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter cette 19e émission de la série Sur le Canto. Bon, des chansons d'hier, des chansons d'avant-hier, ou les tubes de demain, qui sait, c'est un véritable panorama dédié à la chanson française de tous les temps. La chanson française, une question de génération, tu parles. Eh bien, nous allons nous efforcer de vous démontrer le contraire, n'est-ce pas? Enfin, un jury neutre qui classe les titres programmés et qui élit les trois gagnants de l'émission. Alors, sans plus tarder, les résultats de la dernière émission de la série sur le canto, c'était le numéro 18 et c'était il y a 15 jours. Médaille de bronze pour Isabelle Pierre, remixé par Bon Entendeur, Le Temps est bon. Sur la deuxième marche du podium pour recevoir la médaille d'argent, ce diable de Maxime Le Forestier, le qui fut Bidas, adieuse, on s'en souvient encore. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Antonella, Antonella, qui est une artiste pizzaiola. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, éducation sentimentale, Maxime Le Forestier. «

Et vous aussi, vous pouvez jouer au tiercé des chansons en vous rendant sur la page Facebook de La Cerise sur le Canto. Bah, vous établissez votre pronostic et vous avez trois réponses possibles. Et si vous êtes la première ou le premier à donner la bonne réponse, tiercé, ordre ou désordre, ça n'a pas d'importance, eh bien vous gagnez le cadeau de la semaine. Allez, place à la sélection du jour. Fils de mareyeur, Alain Bellac naît en 1935 à la Trinité-sur-Mer. Bon, il grandit dans un environnement assez difficile et il rêve d'évasion. Entre les plages et les landes, il devient un enfant de la nature, rebelle et solitaire. Et puis un instituteur providentiel se prend d'affection pour le gamin et lui ouvre les chemins de la connaissance. Et contre toute attente, le futur Alain Barrière, cancre célèbre, devient un élève modèle, curieux de tout. Et à la fin de ses études secondaires, il entre à l'École nationale des ingénieurs des arts et métiers en 1955. Il se consacre entièrement à son futur métier, mais une nouvelle passion entre dans sa vie. En 1958, il s'achète d'une guitare et commence à écrire ses futures mélodies, une chanson sortie en 1962, Les Guinguettes Alain Barrière. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau, bon sang c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Pour quelques sous, le père Renoir nous vendrait son tout dernier tableau. Bon sang c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Mais la Marne a coulé tant et tant coulé pour passer le temps. Et tant est d'oublier ses fastes passés, son lustre d'antan. Adieu nos gens et adieu les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Les romans bleus vont se tisser ailleurs et dans d'autres berceaux. Fini la fête, le populo parti, fini le caboulot. Mais c'était chouette pour toutes les Juliettes et tous les Roméo. Quand on pouvait retrouver les guinguettes le dimanche au bord de l'eau. Le soleil a brillé pour d'autres étés, loin de la cité. Mais rêvons un instant, effaçons le temps, retrouvons nos gens. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Pour quelques sous, le père Renoir nous vendrait son tout dernier tableau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Bon sang, c'est chouette, tu serais ma Juliette, je serais ton Roméo. Si l'on pouvait retrouver les guinguettes dimanche au bord de l'eau. Le prochain chanteur est né en 1916 à Moscou, d'une mère russe et d'un père suisse. Pierre Dudan embrasse très vite une carrière de scène à l'âge de 16 ans. En 1939, la guerre le ramène en Suisse, où il se fait connaître, avec la chanson « On prend le café ». Chantée dans toute la France sous l'occupation, et à laquelle Maurice Chevalier, à qui on l'avait proposé, prédisait un flop en tant que tyrolienne, olé, olé. On prend le café, olé, olé, Pierre Dudan. Les cafés crèmes dans les bars de Paris. on les connaît, on les aime. Chaque Parisien, un beau jour, en a pris et reprend toujours les mêmes. Mais quand viennent les vacances, il suffit de s'en aller. Dans la montagne ou l'agence nous dit qu'on fabrique du bon lait. On arrive que c'est beau, voilà les vaches, les veaux et les oiseaux. Les hôtels, les jardins, les prairies, les sapins, et chaque matin, on prend le café au lait, avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, à ce que ça peut être bon, non, non, non. Par la fenêtre, on entend les cloches des vaches dans les champs. Olé, olé, vive le café au lait. Dans la montagne, on entend les montagnards tout contents. Iodlé, li, olé, olé. Les petites femmes qui se promènent dans Paris, on les connaît, on les aime. Il suffit d'en voir une seule qui sourit pour aimer toujours les mêmes. Mais le hasard des vacances un jour peut nous faire cadeau d'une belle fille dans l'innocence qui a partagé notre dodo. Nous voilà bien au chaud, qu'il est bon, qu'il est beau, notre nid d'oiseau. On embête les voisins le soir quand tout s'éteint, et chaque matin, on prend le café au lait, avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café au lait, à ce que ça peut être bon, non, non, non. Par la fenêtre, on entend les cloches des vaches dans les champs. Olé, olé, vive le café au lait. Dans la montagne, on entend les montagnards tout contents. Iodlé, li, olé, olé. Et quand on rentre à Paris, on est encore un peu gris d'avoir trop pris de café. Où ça? Au lit. Les parquets des gymnases de Nancy se souviennent de ce jeune basketteur qui joua au Haut du Lièvre, puis à l'ASPTT Nancy-Tomblaine. Enfant terrible, ce jeune rappeur apporte au rap une certaine fraîcheur, sans oublier son sens aigu pour l'autodérision. Véritable bombe de la nouvelle scène du rap français, Kikessa s'impose comme un condensé de pop culture et de musiques actuelles, catalysant toutes ses influences dans un son, un flow et une attitude unique. Plusieurs millions de vues sur YouTube couronnent son succès et Kikessa a fait une chanson sur Nancy que voilà. Dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville. Dans ma nouveau hippie, je suis jamais parti, j'ai pris quelques vacances. Je leur laisse de l'avance, je les attends encore, y'a une bête de latence. En vrai, je suis à l'ouest, même dans l'est de la France. Tout ce qui m'arrive, c'est loin d'être de la chance. Je travaille le peur à mec, c'est de la science. Je me déplace uniquement pour soulever des mamans, même si c'est vrai que j'ai l'air d'être vraiment marrant. Tu feras demain ce que j'ai fait hier. Tu verras ta photo dans les faits divers. Nancy en mai, on est en plein hiver. Tu te shoots, je mets des shoots à la pépinière. On arrive en paix, mec, on a le seum. Une chose est sûre, c'est qu'on a le juice. Je vais me venger, te planter, te manger, te lancer des trucs, pas te pranker comme Bad Flush. On va t'allumer comme Cali ici. Les hippies sont comme ça ici. Place ta leçon et lumière chaque année est beaucoup moins claqué que Kavinsky. Je ramène la tour Eiffel si je gagne au loto. Kiké, ça fait grimper les impôts locaux. Les jambes de ta meuf sont ouvertes, H24 comme mon Mac ou le McDo. J'ai l'air essoufflé, même si j'ai tout fait. J'ai tout frais, jamais dans ma ville. Même si c'est tout frais, mes gars ont tout fait. Le gang est placé dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. Y'a plus vraiment de règles comme une meuf enceinte. J'suis dans les enceintes de ta 205. J'te laisse en chien, pour toi l'essentiel c'est d'être validé seulement par tous les anciens. J'pourrais me dire que c'est d'aide et écrire de la merde. Ouais. Ou peut-être même quitter la terre, mais je participe, car si je pars d'ici, je vais manquer à ma ville comme à Aïd Benacer. Love. on s'insère. La plupart de mes gars sont sincères. Claude Le Lorrain, c'est pas Saint-Cyr. Je suis en tournée, tu tournes dans le Saint-Seb. Où que tu sois, tu me vois comme le haut du lièvre. Je suis chaud, je suis en haut du Chex. Si tu me cherches, je suis juste en dessous du ciel. Tu danses ou tu saignes. On fait en 4 jours ce que vous faites en 6 mois. Gros dragon nouvelle en chinois. Tu connais mon adresse, je suis Cal Corver. Les nouveaux hippies m'attendent devant chez moi. T'as négligé ma vie, tu pouvais pas savoir. Si tu t'excuses, n'en parlons plus. Je vais mettre Nancy sur la carte de France. Juste parce que je pense qu'on aggrave le truc. J'ai l'air essoufflé, même si j'ai tout fait. J'ai tout ferai jamais dans ma ville. Même si c'est tout frais, mes gars ont tout fait. Le gang est placé dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. Placé dans ma ville. Dans ma ville. J'ai l'air essoufflé. Même si j'ai tout fait. J'ai tout ferai jamais dans ma ville. Poursuivre une chanson de 2004. Oh, nous avons tous pleuré au moins une fois pour un coup dur de la vie, une jalousie, un faux pas. J'ai trouvé un remède efficace, nous dit Laurie, la positive attitude. Laurie. Que ce soit elle ou bien toi. Même moi, nous avons tous pleuré au moins une fois. Pour un coup dur de la vie, une jalousie. La positive attitude. plus jamais renoncer. La positive attitude. Cinquante balais, c'est pas vieux. Ben non, c'est pas vieux. Puis, ça veut dire quoi être vieux ? C'est Charles Aznavour qui disait « Moi, je veux bien être âgé, mais pas vieux. » Mais il avait bien raison, le bougre. Alors, 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'on va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette ? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Fallait-il faire péter tout ça ? Une chanson de 1994, extrait de son album « Belle de mai », Son bleu Renault. Il a refermé la porte doucement pour pas réveiller maman. Il a acheté l'huma sur le canapé près du chat, s'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ses années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Ça a pété sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est que t'as vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de ses bras de travailleur? C'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi il repense aujourd'hui au petit? V'là 10 ans qu'il est parti. Salut, pauvre car, tu seras toujours un esclave. Eh ben tu me vois, gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Pas fini, se faire des cheveux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de son drapeau rouge, de son Lénine? Toute sa vie qui était dans sa machine. Il va réveiller maman, peut-être lui dire toujours pas de lettre. Il reviendra. T'en fais pas là-bas, dans la guérilla au Nicaragua. Merde aux hommes et merde à Dieu. Il dit en raccrochant son bleu, honneur de faire péter tout ça. Une chanson triste et désabusée de Mac Lavoine pour suivre, encore un peu vivant, sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui. Extrait de son album sorti en 2018, Je reviens à toi, seul définitivement Mac Lavoine. C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement, la tragédienne de la chanson, Damia apportait à son interprétation une dimension qui allait bien au-delà des bluettes susurrées par ses consoeurs du Cap-Cons. D'une très grande beauté, moulée dans un simple fourreau noir, sans manches, qui mettait en valeur ses bras admirables. Damia exerçait un pouvoir de fascination sur le public dès son entrée en scène. La guinguette a fermé ses volets, Damien.

ton cœur, par de la chamade, une note de musique, un brin de folie. Souris à la vie, souris à la vie. Germaine Sablon, ah, vous connaissez peut-être son frère. Ah oui, sûrement, puisque c'était la sœur de Jean Sablon. Vous savez, celui qui chantait, vous, qui passait sans me voir. Donc Germaine Sablon était une chanteuse aussi et actrice française. Elle était née en 1899 et elle fut longtemps la compagne de Joseph Kessel. Joseph Kessel, donc écrivain, et c'est lui qui a écrit également le chant des partisans. Alors, engagée dans la France libre pendant la guerre de 39-45, elle rejoignit en tant qu'infirmière la première division française libre en Italie et en France. Et finalement, c'est entre 45 et 55 qu'elle enregistra une trentaine de chansons, dont « Ici l'on pêche » Germaine Sablon. Près du grand chemin de halage, où les bateaux vont doucement, dans un berceau de vert feuillage, se cache un petit restaurant. Les rembourmes, les pommes frites, les gaufres et les lilas blancs, les bleuets et les marguerites prennent rendez-vous sous les bancs. Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à côté, pas loin d'ici. Ça porte un nom, ici l'on pêche. Vous y pêcherez aussi. La patronne est une amoureuse. Le patron est un amoureux. Le vin est bon, l'auberge heureuse. Et les repas sont plantureux. Dans les massifs partout fredonnent d'amour et des chansons, et tous les baisers qu'on se donne ne sont pas mis sur l'addition. Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à côté, pas loin d'ici. Ça porte un nom, ici l'on pêche, vous y pêcherez aussi. C'est là qu'un grand jour de ma vie, j'ai rencontré sur mon chemin l'amour rêvant à la folie. et qu'il m'a prise par la main. Il avait de belles manières, je l'ai suivi sans sourciller. Et si je suis sa prisonnière, il est aussi mon prisonnier. Allez-y donc, mais qui vous empêche? Moi, je suis sûre que vous irez. Ça porte un nom, ici l'on pêche. Comme moi, vous pêcherez. Pour cette nouvelle chanson de Jennifer, les commentaires sont-ils bien nécessaires? C'est tellement beau, rempli d'émotion, une chanson aux paroles magnifiques, encore et encore Jennifer. Puisque les fleurs n'arrêtent pas les balles, que les pétales recouvrent nos chemins, le passé coule sur mon visage, mon enfance s'est glissée entre tes mains, nos souvenirs me reviennent encore et encore, des volcans qui s'éteignent encore et encore, je m'accroche à la vie quand le destin m'abîme au milieu de ce monde qui prend feu. Puisque la vie n'est qu'un jour, on s'en ira sur les banquises, comme un ange qui la nuit me protège. Chaque fois que la solitude me brise, nos souvenirs. Il n'y a jamais eu de café des Trois Colombes à Nancy. Ouais. Mais il a bien existé un café des Trois Colombes à Saint-Max, au 54 de l'avenue Carnot. Alors ce café des Trois Colombes a cessé son activité en 1986 pour céder la place à une boulangerie, puis depuis d'autres commerces y sont succédés.

et en février 2019, elle remporte une victoire de la musique dans la catégorie Révélation scène, La Grenade, Clara Luciani. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 19. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours, mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute du monde. Si vous voulez retrouver cette émission, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de Radio Fagette. Vous recherchez l'émission, en l'occurrence la cerise sur le canto, vous cliquez et vous avez le podcast de cette dernière émission. Attention, ce podcast ne reste valide que la semaine, 8 jours. Voilà, quoi qu'il en soit, soyez heureux en écoutant Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net fagette.net en ligne. Allez, au revoir.